6h56, Frédéric Sigrist, à vous pour la chronique Blockbuster. Je suis contente de vous avoir en studio, mais vous, je vous sens ronchon. Oui Mathilde, je suis pas content. Ah. Niveau colère, je suis à 7 sur l'échelle de Mélenchon. Il y a une chose que je déteste encore plus que le dédain des médias généralistes pour le monde des BD de super-héros. C'est quoi ? Eh ben quand ils en parlent. Toute cette semaine, j'ai pas cessé de voir passer des articles un peu partout intitulés « Superman est désormais bisexuel ». Et ça vous a pas plu qu'on parle de super-héros ? Mais il y a quelques années de cela, j'aurais été enchanté de voir la presse s'intéresser au monde merveilleux des comic books. À l'époque, j'étais naïf. J'étais comme Carrie de Stephen King, toute contente d'être invitée au bal de fin d'année. Mais quiconque a lu le livre ou vu le film sait comment ça se termine. Et maintenant, quand je vois des articles titrés « Un Captain America noir »,« Un Spider-Man latino »,« Une Wonder Woman lesbienne », je sais que le but n'est pas d'informer les lecteurs sur la richesse de représentation de la bande dessinée américaine. Non, non, non, non, non. C'est l'œil de Sauron, Mathilde, qui se tourne vers nous pour attirer les forces du Mordor. Des hordes de trolls qui n'ont même sûrement jamais lu un comic book de leur vie et qui vont s'écrier « Comment ? Superman est gay ? Mais jusqu'où le camp autoproclamé du bien ira-t-il ? Les talibans font exploser des statues, voilà ce que font les gauchistes, ils rendent nos héros sodomites ! J'ai pas été aussi scandalisé depuis qu'on m'a forcé à mettre un point après un E avec l'écriture inclusive. Et puis quoi maintenant ? Spider-non-binaire, c'est ça qu'on veut pour nos enfants ? Vous n'exagérez pas un peu là, Frédéric ? Mais j'aimerais tellement, Mathilde. Mercredi dernier, j'étais à la terrasse d'une brasserie parisienne, pas loin d'ici, demandant au serveur s'il m'était possible de payer en 3 fois le verre de vin que j'avais eu l'inconscience de commander. Quand, soudain, une conversation me parvint de la table voisine. T'as vu ce qu'ils ont fait à Superman, là ? Ils vont faire un nouveau film où Superman, il galoche des mecs, et son interlocuteur de répondre, oh bah de toute façon, depuis le confinement, ils se sentent pousser des ailes, ils mettent des PD partout. Là, j'ai hésité. Est-ce que je leur dis que c'est le fils de Superman, pas Superman ? Que c'est en comics, pas en film ? Que c'est juste la concrétisation d'une belle histoire d'amour écrite par un scénariste de talent nommé Tom Taylor ? Ou je leur jette mon verre de vin à la figure ? Mais vu le prix, après, je vais être obligé de leur lécher le visage, donc finalement, je me suis tue. Selon eux, une société plus ou moins secrète aurait pour ambition de mettre des homosexuels partout. Alors, je lis des comics depuis 37 ans. Avec l'argent que j'ai dépensé depuis tout petit, j'aurais pu racheter Radio France. Et ben, je peux vous garantir qu'il y a chez Marvel et DC Comics plus de personnages qui sont morts et ressuscités qu'il n'y a de personnages homosexuels. Et ce qui est dingue, c'est qu'autour de moi, dans le monde réel, je croise bien plus d'homosexuels que d'individus ayant ressuscité. Mais pourtant, c'est la sexualité d'un personnage qui les scandalise. En plus, s'il y a bien une personne chez qui tu peux faire ton coming out sans te poser de questions, c'est Superman et Lois Lane. Parce que je pose la question à ceux que ça défrise. Vous pensez que Superman y allait faire quoi ? Mettre son fils dehors ? Refuser de lui parler ? L'envoyer faire une thérapie de conversion ? Vous pensez vraiment que Superman c'est le genre à faire ça ? Parce que si c'est le cas, spoiler, ça fait 83 ans que vous comprenez rien au personnage que vous lisez. Hein. Superman, il aime son enfant et lui souhaite tout le bonheur du monde, point. J'ajouterais que le monde des comic books n'a pas attendu 2021 pour mettre en scène de très belles histoires d'amour entre personnes du même sexe, comme ils l'ont si souvent fait pour les couples hétéros. Apollo et Midnighter dans la série Authority, Iceman et Northstar parmi les X-Men, Caroline Adine dans Runaways, Harley Quinn, Poison Ivy, tant d'autres. Les X-Men tout entiers sont une métaphore de l'homosexualité et des persécutions qu'elle peut malheureusement générer. Les vrais lecteurs savent que les cris d'orfraie qu'on a entendus cette semaine sont les échos d'un débat dépassé depuis bien longtemps chez les super-héros. Et quant à ceux qui ne lisent pas, franchement, vous en avez pas marre de vouloir dicter la carte des restaurants où vous ne mangerez jamais ? Et voilà, c'est dit. Ça va un peu mieux maintenant, Frédéric ? Ah, ça va un peu mieux. Frédéric Sigrist, passionné de blockbuster et incollable sur le sujet. Et ça se voit aussi dans vos podcasts. D'ailleurs, il y en a un nouveau, non ? Oui, sur Goldorak. Oh, chic, chic, chic. Ouh, je vais pas le rater celui-là. Merci beaucoup, Frédéric. France Inter.